de France Culture. Une mémoire radiophonique. Yigal Shamir est un sabra, un musicien, né en Palestine, à Tel Aviv en 1938, 10 années avant la création de l'État d'Israël. Il aurait été pilote de chasse et aurait même été un agent du Mossad. Il a d'ailleurs écrit des romans d'espionnage et c'est de sa très rocambolesque autobiographie, La cinquième corde, qu'a été très librement tiré le célèbre film d'espionnage Pour rire d'Yves Robert, interprété par Pierre Richard, Bernard Blier, Jean Rochefort et Mireille Darc, Le Grand Blond avec une chaussure noire, sorti en 1972. Personnalité médiatisée de ce début des années 70, où finissait la réalité et où commençait la fiction dans ce que dévoilait alors de sa vie Yigal Shamir. En particulier à Gilles Perrault dans Le Nouvel Observateur qui le présentait ainsi. Yigal Shamir, ex-pilote, ex-millionnaire, ex-agent d'Israël. 32 ans, 1m85, 85 kilos, violoniste de talent. Violoniste de talent, de cela en tout cas personne ne peut aujourd'hui douter. Enfant prodige, repéré par Yehudi Menuhin, Yigal Shamir était et est resté un violoniste talentueux qui, en 1971, était dans l'émission Les mots-clés, invité à réagir à ce que lui soumettait Pierre Lost. Et parmi ces mots, il y avait naturellement violon, mais aussi espionnage. Les mots-clés, Yigal Shamir, une émission diffusée la première fois le 25 septembre 1971 sur France Culture. Yigal Shamir, vous connaissez la règle du jeu des mots-clés, c'est-à-dire que je vais vous proposer un certain nombre de noms, un certain nombre de mots dans un désordre calculé. Je vous demanderai ce que chacun de ces mots et chacun de ces noms représente immédiatement pour vous. Vous êtes prêts ? Oui, allons-y. L'enfance. Oh, l'enfance, c'est un peu la misère. C'est un peu, même un peu beaucoup la misère. En même temps, c'est le violon. Le pain. C'est le quotidien. La harpe. C'est un peu la prison. Le courage. Le courage. Oh là, c'était vraiment ça, c'est un col pour moi. Le courage. Que peut-on dire pour le courage ? Réflexe. Le mensonge. C'est le courage. Le violon. Le violon, ça évoque pour moi toute une vie. C'est la naissance, c'est la continuité, c'est la lutte, c'est la vie, c'est le courage. C'est de jouer entre les lignes et lire entre les notes, de s'exprimer. C'est quand même quelque chose de principal, même avant la nourriture. Yigal Shamir, Paris. Oh, Paris. Paris, c'est quand même quelque chose de formidable et affreux à la fois. C'est, je crois, la ville que j'aime le mieux au monde. C'est une ville où je me sens vraiment bien, où j'adore regarder, où j'adore voir. Une ville qui m'inspire. Mais en même temps, qui me fait vraiment sentir qu'une solitude peut exister, une solitude affreuse, une solitude très cruelle, qui existe chez certaines gens qui sont complètement effacés, qui derrière la beauté, derrière l'antiquité de Paris, derrière la beauté de la chose, il y a quand même une certaine misère qui est complètement effacée, cachée. L'espionnage. L'espionnage, c'est un grand jeu. Vous savez, on parle beaucoup de l'espionnage. Ça est devenu un mythe à cause de beaucoup de bouquins qu'on a écrits à ce sujet. Finalement, l'espionnage, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus sage qu'on le croit. C'est un grand jeu où il faut mettre dans son sac beaucoup de petits, disons, qualités, beaucoup de petits jeux qui font tout un ensemble à la fin, qui est le résultat. Mais la plupart du temps, vous savez, le résultat est très, très dur à obtenir. Et il reste que le jeu. Picasso. Picasso, c'est un mythe. Picasso, c'est un nom qui perce. Avant de dire tableau, on dit Picasso. Aujourd'hui, pour illustrer quelque chose, pour dire, voilà, une toile, ça devient un Picasso. Mais il faut quand même pas oublier que si on parle de Picasso et que si Picasso est devenu un mythe, c'est qu'il a mérité parce qu'on n'a jamais rien sans rien. Et je crois que c'est quand même génial, malgré tout. La peur. Oh, la peur. Vous savez, la peur, c'est quelque chose de très normal et très naturel. Pour moi, quand on dit peur, c'est tout d'abord nature. Parce que l'homme qui n'a pas peur n'existe pas. Je connais pas un homme qui n'a pas peur. D'ailleurs, nos réflexes et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est justement pour cacher certaines peurs qu'on a en soi. Et mieux on fait, et mieux on cache sa peur, et plus on a peur. La femme. La femme, c'est le complément de l'homme, ça tout le monde le sait, à part quelques-uns, qui ne veulent pas le savoir. Et c'est quand même quelque chose qui fait graviter autour de lui énormément d'autres choses. Je vais m'expliquer, il y a le soleil, il y a la lune, autour de la lune, autour du soleil, il y a énormément de choses qui tournent. Et ce sont eux qu'on les voit, et ce sont eux qui nous éclairent. Finalement, ça fait partie d'un système, mais c'est quand même le noyau. Vivaldi. Vivaldi, c'est un merveilleux compositeur. Quand on parle de Vivaldi, je pense à la jeunesse, une jeunesse éternelle presque. Berlin, c'est une capitale dont on a beaucoup parlé, dont on parle beaucoup et on parlera encore. C'est en même temps un clé politique, un clé raciste, un clé de beaucoup de questions qui ont existé et qui vont exister dans l'avenir. C'est une espèce de forteresse, une super forteresse qui est en même temps le Kafka et le Vivaldi. L'écriture, vous savez, malgré le fait que j'ai écrit un livre, je ne peux pas encore me voir vraiment dedans. C'est un moyen d'expression absolument extraordinaire, mais il est tellement extraordinaire et tellement vaste, tellement important qu'il me fait, disons, un peu peur. La maladie. La maladie, c'est une chose dont j'ai le plus peur au monde. Il m'est très très difficile de supporter ou de voir des gens malades ou d'attendre parler des maladies, car pour moi, la maladie, c'est une catastrophe, la plus grande catastrophe qui peut exister chez l'être humain. C'est une déchéance, c'est une espèce de dérangement de l'être humain, de son corps, de son moral, qui nous montre vraiment qu'est-ce que peut être le monde, que peut être l'homme sans l'âme, et sans la santé, sans le pouvoir. L'argent. Oh, l'argent, c'est quand même un mot-clé, je crois. Parce que l'argent, c'est encore plus important que les femmes. On peut avoir les femmes parce qu'il y a l'argent. On peut avoir l'argent parce qu'il y a une femme. C'est quand même quelque chose de très, très important. Et je peux peut-être la comparer avec l'échelle. Le monde, c'est une énorme maison sans escalier. L'argent, c'est quand même l'échelle. Paganini, c'est le super spectacle. C'est une mythe qui va en même temps avec un génie, avec une doigté extraordinaire, avec une persuasion extraordinaire. C'est un petit violon entre les mains de quelqu'un qui a énormément dans sa tête, un mécanisme extraordinaire qui peut-être n'a pas été aussi extraordinaire qu'on le croit, mais finalement, qu'importe puisqu'on le croit aujourd'hui. Yigal Shamir, l'angoisse. Oh, l'angoisse. L'angoisse existe toujours, il existera. Je crois pas qu'il existe justement un être au monde qui n'a pas l'angoisse, certains jours ou certains moments. Mais je pense que c'est quand même quelque chose de très utile parce que l'angoisse nous permet de faire le tour de certaines questions qui nous angoissent justement. Tel Aviv. Tel Aviv, c'est un peu ma ville. Je suis né à Tel Aviv, donc je suis très attaché à Tel Aviv, malgré le fait, malgré ma reconnaissance que ce n'est pas une très belle ville. Mais parfois, vous savez, quelque chose qui n'est pas très beau peut vous évoquer des souvenirs, même plus que des souvenirs, tout un passé qui pour moi sont ineffaçables. Mozart. Mozart, c'est le summum du génie parce qu'à son âge, composer autant d'œuvres qu'il a composées, avoir tellement de choses différentes et diverses, plein de juvénilité en même temps que la tristesse, c'est quand même quelque chose qui me dépasse comme il dépasse beaucoup d'autres gens. L'orgueil. L'orgueil, ça fait partie des choses très naturelles que l'homme a en lui. Quelqu'un qui n'a pas l'orgueil ne se sent pas. Je crois que chaque homme a en lui une volonté de s'affirmer, une volonté de se montrer, et qui fait que finalement, il fait tout dans sa vie pour se mettre en valeur. C'est pour moi l'orgueil, parce que quand l'orgueil n'existe pas, l'homme n'existe plus. Le diable. Oh, le diable, c'est la mythologie, c'est quelque chose qu'on s'imagine comme on imagine Dieu. Il faut quand même faire une contrepartie. Vous savez, pour moi, le diable n'existe pas. Le bonheur. Ouf. Le bonheur. Si on pensait à tout ce qu'on a dit jusque maintenant, on pouvait penser soit au bonheur, soit à la misère. Mais en fait, quand on a réalisé, quand on a pensé à tous ces points que nous venons de toucher, finalement, c'est peut-être ça le bonheur. Le pouvoir parler de tout ça. La gloire. La gloire, c'est une ambition. Une très grande ambition qui est en même temps irréelle et tellement réelle que il est très très difficile de la supporter. Salvador Dali. Salvador Dali, c'est le génie camouflé par la folie. Le champagne. Le champagne, c'est l'illustration d'une certaine vie que peu de gens connaissent vraiment bien. C'est la vie pétillante qui est un peu, si vous voulez, une légende. Le silence. Le silence, c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Je peux passer des heures en silence et je peux être silencieux pendant 2 heures. C'est vraiment l'univers qui va le plus profondément et le plus loin possible. Parce que le silence ne vous conditionne pas. Il vous permet de faire le tour de toute votre vie et de toute question. Le rêve. Le rêve est nécessaire à la vie. Et sans le rêve, nous deviendrons tous fous. En même temps, c'est un miroir, mais par plusieurs interpositions. Le soleil. Le soleil est comme le cœur dans la vie humaine. C'est C'est la lumière, c'est la chaleur, c'est le chlorophylle, c'est l'aliment. Je considère comme aliment le soleil. C'est une nourriture. La Suisse. La Suisse. Vous savez, c'est difficile d'être neutre quand on parle de la Suisse. Parce que la neutralité suisse n'a jamais existé, malgré qu'elle est tellement évidente. Donc c'est la corde raide un peu, vous savez, c'est le cirque. La mer, M-E-R. Oh, vous m'appelez M-E-R alors que la mer veut dire exactement mer, M-E-R-E. On sait très bien que la mer, c'est l'attachement à la mer. Pour moi, il y a beaucoup de vérité là-dedans. J'étais né, moi, au bord de la mer. L'eau m'est très importante, mais très chère. C'est la continuité, c'est l'infini. Les nourritures terrestres. Elles font partie des plaisirs de la vie, donc du bonheur. L'environnement. L'environnement est très important, comme le silence est très important à l'homme. Nous ne sommes pas venus au monde tout seuls. D'ailleurs, l'homme est venu tout dernier, en dernier lieu, après avoir créé l'environnement, justement. Et donc, si Dieu a préparé l'environnement et a mis l'homme au dernier jour, c'est que toute la vie de l'homme est conditionnée par l'environnement. Georges Simenon. Georges Simenon, vous touchez ici un point qui est très très fragile, très délicat. Vous savez, si je parle aujourd'hui le français, c'est un peu ou un peu beaucoup à cause de Georges Simenon. Je me souviens, il y a plus de 10 ans, je ne savais pas encore un mot de français. J'ai reçu un cadeau pour mon anniversaire, un recueil des écrits de Georges Simenon. Et avec un dictionnaire, j'ai commencé à lire. Ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est que j'arrivais quand même à comprendre les livres. Et c'est cela qui m'a incité par la suite à approfondir et aller plus loin dans la langue française, que je parle d'ailleurs toujours pas très bien. Donc, c'est à travers ces livres, à travers ces quelques pages, que j'ai connu Georges Simenon. 8 ans plus tard, j'ai eu le grand honneur d'être un voisin de Georges Simenon et de dîner à sa table. Et c'est d'ailleurs ici qu'est né le projet qui est aujourd'hui réalisé. Ça veut dire que je viens d'écrire un livre. Donc pour moi, Georges Simenon, c'est quand même un pilier dans la littérature. Les journalistes. Les journalistes sont des gens qui existent pour éclairer la vérité, pour donner au monde l'image de la réalité cachée et qui finalement sont à la base des tas des événements qui se passent. La peinture. La peinture est un moyen d'expression, donc une nourriture pour l'homme, une nourriture spirituelle qui est située quelque part entre la folie, la passion et l'amour. Les industriels. Les industriels, c'est un peu la règle du jeu du monde actuel. Sans l'industrie, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est à vous d'établir, si vous voulez, la nécessité de la chose. L'amitié. L'amitié, c'est le capital le plus important que quelqu'un peut avoir dans sa vie, même plus que l'argent. Parce que l'amitié est une chose qui est en même temps inexplicable et nécessaire. Elle vous permet de surmonter certaines angoisses. Elle vous donne en même temps le miroir exact de votre vie et la vraie critique de vous-même. Les mots. Les mots. M-O-T-S, mots. Les mots. C'est un jeu. Un jeu de mots. Le voyage. Le voyage, c'est l'évasion. Vous savez, on voyage aujourd'hui pour, pas pour arriver quelque part, mais pour quitter un endroit. Ça dépend, il y a des gens qui voyagent pour leurs affaires, mais je crois que, de nouveau, c'est pas pour rien. Ce sont des gens qui aiment voyager, qui aiment quitter leurs endroits, n'importe les endroits qu'ils vont trouver par la suite. Le public. Le public, pour moi, c'est un juge. Vous voyez, je vis dans une espèce d'énorme palais de justice. Pour moi, le public est un juge. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'essaie de faire, tout ce que j'essaie de transcrire dans la vie, finalement, bute contre une espèce d'énorme mur qui s'appelle le public, qui peut être conditionné, qui est parfois très objectif, qui est parfois subjectif, mais il reste quand même un corps très très fort, qui est le juge suprême. C'est lui qui décide finalement si je suis valable, si je ne suis pas valable, si ce que je viens de faire est bien ou bien ce que je viens de faire est inutile. Yann Chamir, l'innocence. Je crois que l'innocence n'existe pas. Parce qu'on dit aussi il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez évoquer à travers les mots innocence. Il y a des gens qui sont accusés de quelque chose et qui sont innocents, qui se battent pour démontrer leur innocence. Il y a le mot innocence, qui est un mot énorme, mais qui en fait ne veut rien dire, parce que finalement, que veut dire le mot innocence? Rien du tout. C'est innocent. C'est nul. Revenons à ces gens qui veulent absolument s'innocenter parce qu'ils sont coupables. Mais vous savez, la culpabilité aujourd'hui est presque aussi importante que la vie elle-même. Quand on accuse quelqu'un, c'est qu'on veut bien l'accuser parce que c'est nécessaire de l'accuser, parce que c'est quelque chose d'énorme, d'évident. L'innocence là-dedans peut détruire encore plus que l'accusation. Londres. Londres, c'était une ville, une très grande ville, une belle ville que j'aime pas tellement, disons que j'aime beaucoup moins que Paris. C'est un peu l'antiquité, c'est pour moi la Grèce antique, voilà, Londres. Puisque nous vivons maintenant dans le 20e siècle, je ne vais pas descendre tellement loin, je ne vais pas parler de la Grèce, mais pour moi c'est une partie de la Grèce, voilà. Le roman. Les romans. Les romans, c'est un moyen d'expression, c'est un jeu de mots. C'est en même temps une imagination très fertile, parfois très très utile, d'ailleurs la plupart du temps très utile, qui consiste à raconter une histoire, à faire savoir, à faire connaître certaines choses qu'on n'aurait pas pu connaître autrement que par les romans. La Belgique. La Belgique, c'est une mini-Suisse. Elle n'est pas aussi neutre, entre guillemets, mais c'est aussi un certain cirque. Elle est beaucoup plus petite que la France. Elle occupe un emplacement central dans l'Europe occidentale. Et elle essaie de nouer des tas de bouts. Elle fait ça très bien. C'est des tas de ficelles qui passent par la Belgique, qui sont nouées quelque part. On ne les voit pas, on ne les sent pas, mais ils existent. La nuit. La nuit a déjà évoqué pas mal de discussions, pas mal de conversations. Il y a des gens qui adorent la nuit, parce que pendant la journée, ils se détestent. La nuit cache bien les choses. Mais vous savez, il y a des nuits qui sont éclairées. Ce sont donc des journées tamisées. Ça permet à pas mal de gens de jouer un peu avec la couleur sans y toucher. L'âme, c'est le mystère du monde. Vous savez, quand je regarde parfois la campagne, une vache en face de moi, je demande si elle a une âme ou si moi j'ai une âme. C'est quelque chose quand même qui reste très très caché. Je ne les vois pas, je ne les sens pas, et qui m'influence finalement beaucoup. L'intelligence. Oh. Je crois que l'intelligence, c'est la chose qu'on devait mettre en première lieu de toute cette discussion, de tous ces jeux. Parce que finalement, c'est elle qui détermine tout ce qu'on vient de dire. C'est l'ouverture, c'est la clarté, c'est la compréhension. Or, vous savez, notre vie est déjà tellement compliquée, tellement chargée, que pour la saisir, on est obligé d'être intelligent. Cela veut dire que chacun a son intelligence propre. On ne peut pas dire tel bête, tel est intelligent. Mais je pense que chaque homme doit avoir une intelligence pour faire sa vie comme il entend, comme il voudrait, comme il le sent. Et je pense que chaque être humain est intelligent, très intelligent pour lui-même. La justice. La justice n'a jamais existé. Elle n'existera jamais. Car le jour où le monde sera plongé dans une véritable justice, ben il plongera dans le néant. La justice est un équilibre trop parfait qui ne peut pas exister. La famille. C'est une chose très très importante, mais en même temps très délicate et très dangereuse. Parce que l'être humain est déterminé toute sa vie à cause de la famille, à cause des liens qu'il a eus. C'est en même temps une espèce de cordon qui vous lie à quelque chose d'incompréhensible, puisque vous êtes né malgré vous, et qui finalement détermine toutes vos attitudes, tout votre comportement. Le récital. Le récital. Vous savez, le Colosseum à Rome, il y avait un homme au milieu, des milliers autour. C'est ça finalement le récital. C'est un combat de boxe qui s'est fait entre le public et un seul être humain qui est sur la scène. On a la tendance de dire que quelqu'un s'exprime en face du public. Mais je le vois, moi, de mes propres yeux, comme un gladiateur avec un sabre à la main, en face d'un public. L'autel. Vous parlez de l'église. Il y a certains mots, vous allez en trouver un double sens, à vous, l'autel. L'autel. Ah oui, je comprends. l'autel, oui. C'est une maison un peu dépliante. J'aime beaucoup les autels. Parce que si on parlait il y a quelques secondes du voyage comme quelque chose qui nous sépare de quelque chose, disons le départ, l'évasion, l'hôtel c'est un mini retrouvaille. On a l'impression de retrouver quelque chose, d'adopter et d'être adopté par un petit environnement. On sait depuis le départ qu'il sera provisoire et c'est peut-être à cause de cela qu'on l'aime tellement. Les saints. Les saints, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Quand on pense aux saints, on pense à se nourrir. C'est quelque chose qui nourrit. Mais vous savez, il y a une petite blague que j'aime beaucoup et qui dit qu'est-ce qui est similaire entre les saints et les trains électriques? Et la réponse que c'est fait pour les petits et c'est les grands qui jouent avec. Le mécénat. Le mécénat. Ouh là là, on a ici la matière pour écrire plus qu'une encyclopédie sur le mécénat. Il faut tout d'abord comprendre ce que vous voulez dire à travers le mécénat. Pour moi, le mécénat, c'est une espèce d'aide, de soutien, de soutenir un certain artiste. Je trouve que c'est une chose pas saine, justement, que j'aurais pas accepté et que je n'aimerais pas. Parce qu'elle est là pour nous offrir une liberté et nous emprisonner. Le cinéma. C'est un art très important. C'est les romans imagés. Disons qu'il est plus facile d'aller au cinéma que lire un roman. Mais finalement, c'est la destruction de l'imagination de pas mal de gens, disons. À travers un livre, on arrive quand même à construire un certain climat, une certaine compréhension. On met quand même en jeu son intelligence propre. Or, le cinéma, avec toutes les merveilles qu'il nous présente, nous enlève une partie de ses jugements personnels. Et c'est un peu la nourriture mâchée, qui à la fin, soit on aime, soit on n'aime pas, mais le fait est là, c'est qu'on passe 2 heures en face de quelque chose qui a été mâché pour nous. Yigal Shamir, la mode. La mode est très importante, la mode, parce que c'est elle qui donne un peu d'une air à une certaine société. Il y a des gens qui s'en fichent de la mode, mais justement, le fait de s'en ficher de quelque chose est déjà quelque chose. C'est quand même un certain courant, une certaine électricité qui passe dans le public, qui passe dans la nation. On parle d'une mode comme si c'était des nourritures. Le premier amour. Le premier amour. Vous savez, je crois que je suis un peu mal placé pour parler d'amour parce que mon premier amour était le violon et il restera. Donc, je peux vous décevoir parce que à travers le mot amour, vous avez voulu quand même entendre des mots gentils à travers l'autre sexe ou. Mais finalement, pour moi, oui, comme je vous ai dit, c'est quand même le violon. Les vacances. Les vacances, pour moi, n'existaient pas. J'ai jamais pris des vacances et je ne sais pas si j'en prendrai parce que les jours où je me retrouve sur une plage ou dans un hôtel en disant « je suis en vacances », je suis déjà très angoissé. L'humour. Ah, l'humour, c'est quelque chose de très important. L'humour vient avec l'intelligence, parce que l'humour rend la vie un peu plus agréable, un peu plus facile. C'est le miroir déformant de certaines choses qui sont très graves. Or, on aimerait toujours se voir à travers les miroirs, très beau, très élégant, très homme du monde. Et c'est l'humour qui finalement permet à des gens qui ne le sont pas de l'être. L'arbre. L'arbre. Je sais qu'il y a un test psychologique qui s'appelle l'arbre, où chacun dessine un arbre. Et après, on essaye de décortiquer sa personnalité. En fait, c'est pas pour rien qu'on a inventé ce test, parce que finalement, l'arbre, c'est quand même une vie. Il y a les racines, il y a les troncs, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fleurs. C'est une vie qui commence, une vie qui continue et qui finira un jour. Donc c'est quelque chose de très complet. Ça ressemble vraiment à l'homme. 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans me fait penser à une ville très industrielle. Je suis un peu lié à 1000 ans par les affaires, donc j'aime pas tellement cette ville. C'est une ville qui est assez triste, très froide, où l'argent joue un très grand rôle. La beauté. Vous savez, la beauté existe-t-elle? Parce que, vous savez, il y a une certaine laideur qui finalement arrive à être très belle. Ça dépend ce qu'on met dedans, ça dépend avec quoi on l'enveloppe. Il y a une beauté qui finit par être très laide. De nouveau, ça dépend ce qu'on a envie de voir à travers elle, ce qu'on a envie de déguster à travers cette beauté. Et je pense qu'elle fait partie d'un mot qui est plutôt l'esthétisme. Le talent. C'est comme la beauté. Existe-t-il? Ça, on a parlé beaucoup de talent. J'ai parlé moi-même, j'essayais beaucoup de réfléchir à ce sujet. Et finalement, j'arrive pas à déterminer. Parce que, qu'est veut dire le talent? Faire quelque chose de mieux qu'un autre? Ou le faire plus passionnément? Ou finalement se sacrifier pour quelque chose pour avoir un talent? Je ne sais pas si le talent, c'est l'intelligence, la mémoire, l'esthétisme, la recherche, le sacrifice, parce que c'est quelque chose de très très compliqué. J'avoue que pour faire certaines choses, il faut avoir certaines capacités, et ça le talent. Par contre, j'avoue que pour faire certaines choses, il ne faut pas avoir certaines capacités, et c'est ça le talent. La vérité. La vérité est comme le mensonge. Il faut avoir énormément de courage pour l'affronter, parce que c'est la chose la plus dure. Mais il faut voir si on arrive à voir la vérité véritablement, parce qu'une vérité sans le mensonge n'existerait pas, comme le mensonge sans la vérité n'existe pas. Donc la vérité fait partie d'un certain équilibre. La sculpture. La sculpture. On appelle ça un art. Je l'appellerais complexe. C'est la volonté de l'homme de créer quelque chose de ses propres mains, de se rendre maître d'une certaine matière. C'est finalement de se rapprocher de Dieu. L'automobile est quelque chose de très important à notre époque. Il nous empoisonne en même temps qu'il nous rend la vie très agréable, très facile. Je pense qu'il concrétise finalement la roue. Il les rend, disons, agréables pour l'être humain. Parce que, vous savez, le système de la roue est toute une culture, toute une psychologie, toute une théorie. Et finalement, on les retrouve simplement accrochés à une espèce de machine qui nous propulse, qui nous fait bouger plus loin, plus agréablement. Le sport. Le sport est un état d'esprit avant tout. Je crois que ça se rejoint quelque part les sculpteurs. C'est la volonté d'être meilleur qu'un autre, c'est de se recréer soi-même finalement. L'essentiel est très important parce qu'il est essentiel dans le noyau d'un problème. Mais vous savez, finalement, ce qui est important, c'est pas l'essentiel, ce qu'il y a autour. La mort, c'est la fin. Pour moi, c'est quelque chose, en même temps, de très triste et d'assez joyeux, parce que c'est un point final. On peut pas écrire une phrase qui soit en même temps compréhensible et belle sans mettre un point final à la fin. Et pour moi, la mort, c'est un point. Dieu. Dieu. Dieu, c'est une religion. C'est une certaine drogue. Cette drogue était très importante à l'époque où la drogue n'était pas... La vraie drogue n'était pas propagée dans le monde entier. Vous savez, il y a tellement de peuples, de races qui ont persisté, qui ont réussi à survivre et à exister à travers la religion, que finalement on est obligé de la voir comme le sang. C'est le sang d'une espèce de corps qui n'existait pas. C'était Yigal Shamir, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 25 septembre 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.